L'amour de tout le monde repose sur le dos de tout le monde. Le secrétaire ici, l'autre fois, a pitonné son ordinateur, puis il m'a donné, elle a mis la disquette de travers, puis ça a sauté. Il y a une panne de courant au Québec. On lui a dit. Et son karma, tout le monde a payé pour. Tout le monde. Karma collectif, c'est comme ça. Il y en a qui pensaient que c'était la guerre, il y en a qui pensaient que c'était ceci, il y en a qui pensaient que c'était cela. Le LG4 est amoché au coton. Ça va prendre plusieurs années avant de le réparer. Tout le monde paye. Pas à cause de le secrétaire et l'ordinateur. Tout le monde paye. C'est collectif. Alors finalement, étant donné que c'est collectif, eh bien, toi, tu ne fais rien et tu souffres autant que l'autre qui fait tout. C'est ça une société collective. C'est intéressant. Le problème, c'est que tant que l'être humain reste assujetti à une évolution collective, à l'évolution, ce que j'appelle, moi, l'animal humain, nécessairement, dans le troupeau, quand on ramasse tout le monde, bien, il ramasse avec. C'est le karma. Lorsque l'individu se parjure, ça paraît pas trop. C'est assez doux. Mais une chose qui est certaine, c'est que ça continue, étant donné que le pacte n'est pas dissous dans le monde de la mort, à manipuler l'individu ou les individus concernés par le jeu. À quoi ça sert de jurer? Il y a eu une époque sur la planète où il y avait un groupement d'humains qui étaient toujours habillés en robe blanche et qui s'appelaient les Esséniens. Le Nazaréen était d'ailleurs Essénien. Il faisait partie de la secte des Nazaréens et qui était une sous-branche des Esséniens. Eux autres, lorsqu'ils parlaient, leur parole était un contrat signé. Même les Romains l'acceptaient. Lorsqu'un Essénien disait « Je vais t'amener ceci », ceci arrivait. Lorsqu'un Essénien promettait, lorsqu'un Essénien disait oui, c'était oui. Parce que le reste des humains ont pensé que tu dis oui, puis demain matin, quand tu oublies, ben l'autre, il va oublier aussi. Il a fallu qu'on invente le papier avec des signatures. Ça n'a pas été long qu'on a inventé les petites écritures pour vous faire signer, sans que vous lisiez. Une petite ruse comme ça en passant, quand vous avez un contrat à signer, lisez-le jamais. Dites au vendeur de vous le lire. Puis quand on écoute, on n'est jamais impatient. Puis là, les petites clauses idiotes, s'ils nous tombent d'en face, on va s'en rendre compte vite. On ne lit jamais un contrat. On le laisse lire par l'autre. Alors, la personne qui, ces liens-là, la personne qui arrive à marcher comme eux autres, elle doit être capable de supporter sa parole. Ça veut dire que lorsqu'elle parle, elle doit être consciente. La personne qui jure manque de conscience et elle essaie de donner du crédit qu'elle s'interdit à elle. Moi, je suis une loque humaine, là. Fait que si je te le promets, je trouve que ça vaut rien, fait que je te le jure. Là, j'ai décidé que si je n'étais pas correct, moi, je te rembourserais ainsi que tout le monde de la mort, tout Dieu complet, on va tous s'excuser devant toi. Jurer, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et en plus, c'est s'abrutir. C'est-à-dire qu'on continue à s'instruire que nous ne valons rien. Moi, je n'ai pas besoin qu'une personne me jure, j'ai besoin qu'elle me dise si elle va y être ou pas, c'est tout. Puis si elle me dit qu'elle va y être et qu'elle n'est pas là, je commence à la connaître, mais je le sais déjà, sauf que ce n'est pas important. Puis quand elle me le répète encore 2 semaines après, elle dit « je vais être là ». Parfait. Puis je me fie à ce que ce soit là. Puis quand elle n'est encore pas là, la prochaine fois, elle dit « je vais être là ». C'est correct. Et moi, je m'organise pour moi pour être là. Puis là, si elle est là, bien normalement, elle va chialer. Quelle est la différence entre l'âme et l'ego? Pour avoir de grandes réponses, il y a 2 conférences que j'ai faites, le rôle de l'âme, l'autre, le rôle de l'ego. En l'occurrence, l'âme, c'est une enveloppe périspritique qui est remplie d'énergie astrale. L'énergie astrale, c'est de l'énergie mémorielle, de l'énergie qui accumule l'expérience. Donc, l'âme est un véhicule expérientiel. Expérimental veut dire soumis à l'expérience. Expérientiel veut dire cumul de l'expérience. L'âme est un véhicule expérientiel qui, à la longue, contient suffisamment de mémoires, des mémoires volatiles, des mémoires qui se promènent un peu partout à l'intérieur de l'âme, que cela engendre les agglomérats. L'agglomérat, c'est le soudage des mémoires qui ont vécu le même genre d'expérience ensemble. Ce soudage finit par les accoler. Les accolant ensemble, cela engendre des agglomérats. Les agglomérats deviennent des petites masses à l'intérieur de l'âme. Lorsque l'être humain vit une émotion, c'est-à-dire lorsque l'être humain vit un événement particulier, l'expérience pénètre l'enveloppe périspritique et l'enveloppe de l'âme. Pénétrant l'enveloppe périspritique, il vient faire bouger les mémoires volatiles dans l'âme ainsi que les petits agglomérats. Et cette expérience à l'intérieur de l'âme est ce que nous connaissons sous le terme d'émotion. Lentement, l'émotion, donc tous les phénomènes vibratoires intra-âmiques, vont s'assujettir, s'allier, s'accoler à l'expérience qui pénètre dans l'âme. S'accolant à cette expérience, chaque petit morceau finit par s'attirer les uns des autres, étant donné que ce qui va servir de ciment va être cette émotion. Lentement, les agglomérats vont donc s'accoler ensemble parce que régis par l'émotion, et s'accolant ensemble, ils vont engendrer ce qu'on appelle l'ego. L'ego va s'identifier rapidement, c'est-à-dire que l'ego va être la densification des mémoires les plus répétées. Donc, nécessairement, l'ego va immédiatement obliger le corps physique à répéter des expériences pour nourrir le connu. Lentement, l'ego s'identifie dans le mot « je » ou « moi », et l'ego est la centrale énergétique de l'âme qui va être en contact avec le monde de la mort pour permettre les réincarnations 24 heures sur 24. Et l'ego va être celui aussi qui va animer le corps physique de façon à l'obliger à muter d'une façon hormonale, ce qui à la longue le détruit et l'envoie vers la mort. L'âme, c'est donc le contenant de l'ego. L'ego, c'est le cerveau de l'âme. Alors ici, on parle, n'est-ce pas, de Roquet Belles Oreilles. RBO, Roquet Belles Oreilles. Se permettre le non-respect d'autrui, mais seulement pour faire rire. Est-ce dangereux? Non, ils ne se permettent pas le non-respect d'autrui. C'est ceux qui les regardent qui se le permettent. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce plus dangereux que de perdre le respect de son enfant? La politesse, les manières, le respect sont-elles des valeurs futiles? De temps en temps, dans ces émissions-là, il y a des choses extrêmement dangereuses au niveau social qui se font et qui passent. Étant donné que c'est une émission comique, nécessairement, ça manipule d'une façon beaucoup plus puissante que toutes les autres formes de manipulation. Parce que dans le comique, il y a l'ouverture du périsprit. J'ai déjà expliqué que le périsprit était la membrane de l'âme. Plus elle était épaisse, plus l'individu était imperturbable, plus elle était mince, plus elle était influençable. Lorsqu'une personne, lorsque l'ego veut se nourrir d'une expérience qu'il connaît, lorsqu'on reconnaît une personne, on va la rencontrer et on amincit notre périsprit. C'est ce que l'ego fait d'instinct. Ses réflexes, ses mécaniques. Amincissant le périsprit, tout ce que l'individu va nous dire pénètre, ça nous nourrit. Lorsqu'on regarde une émission comique, on amincit énormément. L'ego veut rire. Lorsqu'il se passe une information particulièrement dangereuse, ça pénètre immédiatement. Alors, dernièrement, juste pour s'amuser, on avait la recopie de l'annonce des enfants qui n'ont pas besoin de la drogue. Mais dans Roquet Belles Oreilles, ils n'ont pas besoin parce qu'ils ont en masse du sexe. Bon. Et nécessairement, les jeunes qui écoutent ça, ils viennent de comprendre un très beau message qui passe sans problème les frontières de la barrière périsprétique, qui traverse toutes les frontières de l'éducation et de la morale, parce que tout est carrément éliminé pour pouvoir boire l'émission Roquet Belles Oreilles et en rire. Et nécessairement, c'est extrêmement dommageable que de temps en temps, à travers les farces, il y ait des conneries. Maintenant, est-ce que perdre le respect de son enfant ou etc.? On ne perd jamais le respect de quelqu'un si on est respectable. Si on perd le respect de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas respectable. Et là, on va dire, oui, je suis respectable, c'est lui qui ne le voit pas. C'est l'autre qui doit déterminer si vous êtes respectable ou non, pas vous. Alors, si moi, on me respecte, c'est que je suis respectable. Si on ne me respecte pas, c'est que je ne suis pas respectable. Et ça ne sert à rien d'instruire les autres à me respecter. Je n'ai qu'à être respectable. Lorsque les enfants ne respectent pas leurs parents, c'est que leurs parents ne sont pas respectables. C'est les enfants sont irrespectueux, mais ils respectent quoi? Alors, il y a une grosse, grosse problématique au niveau de la communication entre les enfants et les adultes. Surtout si on fait référence à des enfants nouveaux, nécessairement, ils verront 99% des fois des adultes irrespectables. Qu'est-ce que la parole juste? Est-ce un facteur d'évolution? La parole juste, c'est l'unique facteur d'évolution d'une conscience qui habite le corps d'un humain dans un système planétaire évolutif. La parole juste, c'est la possibilité pour un interpréteur actionnel d'être ajusté par un ajusteur de pensée de façon à laisser couler l'information de l'intelligence, l'information de l'esprit, l'information supramentale, sans que celle-ci ne soit colorée, altérée, démolie par l'âme, l'ego ou le monde de la mort, les manipulations. Lorsqu'une personne dans sa parole est toujours en train de se détruire et de se démolir, elle ne peut pas se conscientiser. Lorsque je pose des questions à des gens, la majorité des personnes, lorsqu'on s'amuse à faire le séminaire, on en parle de l'ajustement de la parole, même si ce n'est pas le cours, pour la simple raison que les gens, la première demi-journée que l'on fait ensemble, je fais juste leur demander de prendre conscience qu'ils ne font que se détruire lorsqu'ils parlent. Puis plus ils vont parler, plus ils vont se détruire. Lorsqu'un être humain parle énormément, Il a énormément besoin de motivation. Plus il va parler, plus il faudra le motiver. Il en est comme ça des vendeurs, il en est comme ça des politiciens, il en est comme ça des professeurs, il en est comme ça de bien du monde. Ils ont souvent le moral à terre. On les voit rentrer, puis le moral gratigne le plancher. Le moral est très bas. Lorsqu'on parle d'ajustement de parole juste, c'est quoi? Premièrement, ça exclut toute forme de mots provenant d'une autre langue. En l'occurrence, pour la langue française du Québec, ça exclut toute forme d'anglicisme. Il y a des mots en anglais, des phrases en anglais qui ne se traduisent pas en français mot par mot, ou mot à mot. Pourquoi? Parce que la consonance vibratoire de l'idée anglaise n'est pas transmissible en français. Il faut parler anglais pour la comprendre. Lorsque l'être humain parle en français, il parle en français. Et un être humain qui parle français et qui rajoute continuellement des anglicismes, c'est un être humain qui n'a pas de conscience de pensée. Il aura de la grande difficulté à évoluer. Pourquoi? Qu'il parle anglais, qu'il parle anglais. Qu'il parle français, qu'il parle français. Mais qu'il ne parle pas les deux langues. Pour la simple raison que lorsque l'ajusteur de pensée veut transmettre son énergie sous forme de mots, elle se fie à l'énergie vitale qui, à l'origine, a engendré la langue. Le mot « tree » n'est pas français. Le mot « arbol » n'est pas anglais ni français. Ils ont des consonances différentes. Ce sont des mots de d'autres langues, de d'autres vibrations. Lorsque l'ajusteur de pensée se sert de la vibration neuronique cérébrale qui permet le langage, il invente même des mots typiquement de cette langue et il joue avec l'énergie pour transmettre ce qu'il est, lui, dans une langue particulière. Lorsque l'être humain parle avec deux langues en même temps, s'il est bilingue, pas de problème. Il parle en français en français et puis en anglais en anglais. Il dit pas, oh, là, je vais aller chercher mon troc. Troc, c'est un échange sans argent. Alors, lorsque l'ajusteur de pensée vient pour parler d'un camion, et puis qu'elle arrive là, et puis la pensée paresseuse vient mettre le mot « troc », l'ajusteur de pensée reconnaît dans le mot « troc » l'idée d'échange, en fait, du troc. Alors là, ça attend, ça cherche à inventer un mot, ça ne va pas. Pendant ce temps-là, bien, le contact est coupé, puis la personne, elle vient d'en perdre un bout. Au niveau de l'ajustement de la parole ou de la parole juste, il y a beaucoup d'autres choses. Lorsque l'individu, comme il y a près de 60 mots faux que l'humain met continuellement, j'ai déjà donné des exemples, je passe rapidement là-dessus, étant donné que de toute façon, il y a un séminaire qu'on donne de temps en temps sur l'ajustement de la parole. Les personnes intéressées peuvent s'informer. Lorsqu'une personne, on lui pose la question, comment ça va? Oh, bah, comme tout le monde. C'est ça. Ça va pas avant tout. Elle n'existe pas, elle, parole fausse. Est-ce que tu vas être à l'heure? Ah, oh, ben, je pense bien. Je pense. Quand on sait que la pensée, ça vous veut absolument rien dire, est-ce qu'il neige dehors? Si tu dis oui, c'est parce qu'il neige. Si tu ne le sais pas, dis « je pense que non, je pense que oui ». ».« Je pense » veut donc dire « je sais pas ». Et lorsque l'individu le sait, puis qu'il dit pareil « je pense », il s'instruit qu'il ne sait pas. Et lui-même, pour son temps, s'instruit qu'il ne sait rien. Lorsqu'on pose la question « la panne de courant, est-ce que tu sais qu'est-ce qui est arrivé? » »« Non, je ne suis pas trop au courant, c'est à cause d'un transformateur apparemment, puis il t'explique tout ce qui s'est passé. » Il commence par dire « non, mais pas au courant, puis il t'explique tout. » Continuellement, l'individu rajoute le mot. Est-ce que tu viens? Non, mais je vais essayer d'être là à l'heure. Ou encore, non, mais on devrait en acheter. Non, mais ce serait intéressant qu'on en achète. Si on s'écoute parler un peu, on va s'en rendre compte. Le mot non est toujours avant n'importe quelle forme positive. Alors, nécessairement, non, non, non, non. Quand on a suffisamment de conscience de ce genre de mots, d'après moi, mon humble avis, son avis si humble que ça, et tout avec. Quand on a suffisamment d'expérience pour écouter tous les mots faux que l'on dit, on s'instruit. Un mot sur 10 vous motive à la dépression. Alors, une personne qui parle normalement a un mot sur 10. D'autres en 3 ont 3 mots sur 5 qui sont négatifs, qui les démolissent. Alors, nécessairement, comment voulez-vous arriver à vous prendre en main? Lorsque l'ajusteur de pensée finit par travailler, l'individu, il dit quelque chose, puis il dit « ah oui, mais tu sais, c'est moi qui dis ça quand même ». Il ne peut pas arriver à se faire confiance, il passe son temps à se prouver, à se répéter, à se dire qu'il est un être qui n'a pas de confiance, et un être qui ne sait pas, un être qui est inutile, un être qui est petit. Alors, nécessairement, ça crée des problèmes. Lorsque l'individu a une parole juste, tous ses mots faux sont exclus. Il sait ce qu'il dit, et c'est pourquoi il le dit. Il apprend à contrôler d'autres parties de son âme, il apprend à contrôler d'autres choses, et nécessairement, lorsqu'un ajusteur de pensée veut maintenant se servir de son centre laryngé pour lui amener l'information qu'il a besoin, en réalité l'énergie qu'il a besoin pour sa mutation, elle n'a pas de problème. Personne qui a une parole fausse ne peut pas arriver à faire cela. Elle ne peut pas. La langue anglaise, c'est la langue des affaires. La langue française, c'est la langue de l'évolution. Originalement, ça a été le latin. Avant le latin, ça a été la langue indo-européenne. Aujourd'hui, c'est la langue française. La langue de la parapsychologie, c'est l'espagnol. La langue anglaise, c'est la langue des affaires. La langue de l'évolution, de la conscientisation, c'est la langue française. Elle pourra nécessairement être traduite en inventant d'autres mots dans les autres langues. Mais c'est en français, et c'est la langue québécoise française qui est la plus puissante au niveau du premier contact avec les agiteurs de pensée. C'est pourquoi, présentement, exclusivement au Québec, il y a d'autres conférenciers que moi qui font ce travail. Il y a des mots neufs, des mots nouveaux, un langage particulier qui paraît un peu compliqué, mais qui ne l'est pas finalement. Et on doit s'arranger pour évoluer et faire des choses dans la bonne langue. La langue de la paresse, c'est l'anglais, et c'est la langue des affaires. C'est évident, ça va plus vite. La langue qui permet l'expression maximale de l'énergie, du point de vue de l'instruction égoïque, le verbe, antiquement a été le latin, un peu avant, je le répète, au niveau indo-européen. Aujourd'hui, c'est le français. Comme quand je donnais un séminaire sur la colère mentale, à un moment donné, il y avait une personne qui était justement d'origine française, et il avait de grands problèmes. Je lui ai dit oui. On ne peut pas faire une colère mentale en français de France. Je lui explique, prends un Québécois, puis prends un Français, fais-les s'engueuler tous les deux. Si on a un bon Québécois là, tu vas voir que ton Français va rentrer dans son trou. Parce que le bon Québécois, il va y aller avec les tabarnak, les colis, mon sacrement, puis il va y aller au coton. L'autre, ça va être, je te laisse que deux secondes pour que tu ne sois plus qu'un point à l'horizon. Le Québécois, moi, franchement, j'ai déjà entendu ça à Paris. Bon, alors, ce n'est pas juste question d'arriver à sacrer, c'est question de mettre de l'énergie dans la parole, dans la colère. Et il y a des consonances pour cela. Nécessairement, le Québécois passe souvent par un animal quand il se met à gueuler, un bon vivant entre-temps, parce qu'il se défoule plus que les autres, mais il y a une puissance dans sa parole. Je ne parle pas du joual. Bon, quel rôle le Québec jouera-t-il pour la 7e fois? Exemple, conférence de la semaine dernière. Le Québec, dans l'étape actuelle des choses, tiens, je vais me lever debout pour vous expliquer quelque chose d'intéressant. Le gros problème, lorsque l'on parle d'une nation, surtout d'une nation qui est petite et qui n'a pas beaucoup d'individus, c'est qu'on fait immédiatement référence avec l'Allemagne. Lorsque l'on dit que tel personnage, lorsque une race d'humains aura un rôle particulier à jouer, la majorité des humains vont penser que « Ah, mais on va avoir du pouvoir, on a de la puissance, c'est pareil. » Et d'autres humains ont peur. On parle de celui qui parle parce qu'il dynamise apparemment trop les choses. Chaque nation a eu son heure de gloire. Le Portugal et l'Espagne ont divisé la terre en deux à un moment donné. Les Anglais, qui ont eu la plus grande flotte navale, se sont interposés. La Chine, la Mongolie, avec Genghis Khan, Kublai Khan, ont déjà conquis le monde. La France, Napoléon, parlons-en. On peut s'amuser. Les Japons ont eu de la puissance en masse. Et il n'y a pas un pays. Toutes les nations, les Américains l'ont présentement, l'URSS aussi. Le Canada ne l'a jamais eu. Le Canada, c'est un pays de paix. Le Québec, c'est un pays de mutation. Ce n'est pas un endroit de paix, le Québec. C'est un endroit de problème. Un endroit qui va digérer le reste du monde. Pas par la guerre. La seule nuance avec le passé, c'est que le Québec va le faire par autre chose. Il y a, premièrement, une plus grande ouverture au niveau du Québec. Comme j'expliquais dernièrement, il y a un mini-séminaire sur l'importance du Québécois d'ici l'an 2000, qu'au Québec, c'était la seule région planétaire où on avait des émissions de télévision ou de radio sur l'ésotérisme, sur la parapsychologie, sur la philosophie. Je ne parle pas juste de l'émission de Richard Glenn, qui a réveillé, je pense, la moitié de la population du Québec. Que ce soit farfelu ou pas, ça réveille les gens. Je ne parle pas non plus des autres émissions, comme Jacques Enguerrand, qui a eu des émissions à Radio-Canada, Roger Drolet à CKVL, et d'autres personnages qui écrivent dans des revues et qui ont en masse de liberté d'expression dans ce domaine, ce que n'a pas la France et ce que n'a pas aucun autre pays. Il arrive simplement que dans les 10 prochaines années, l'humanité devra faire un choix. Et ce choix humanitaire sera le choix de nos 2000 prochaines années. En l'occurrence, l'humanité, dans les 10 prochaines années, va choisir l'alignement dans un avenir futur de la planète. Et le problème, c'est que le premier peuple qui va se réveiller va être le Québécois. Le Québec, donc. Le Québec ésotérique, qui est le bouclier canadien, pour des raisons telluriques, c'est extrêmement important. Mais le Québec politique, pourquoi? Parce qu'il a été reconnu comme étant l'endroit où va se réincarner la majorité des personnes capables de se réveiller dans un avenir. L'avenir commence vers l'année 1950. Nécessairement, ces prophéties viennent d'Europe et datent de 200-300 ans. Or, le Québec, qu'est-ce qu'il va faire, le Québec? Le premier travail du Québec, ça va être de miner, de faire pourrir la spiritualité sur la planète. Il a déjà commencé, le Québec. Pourrir la spiritualité de quelle façon? Le Québec va être la première force qui va miner par l'instruction, par la propagande, pas par les armes. Les armes, jamais de la vie. On a trop de temps, trop de retard. Et en plus, le Québec va se réveiller à un moment donné comme étant un territoire intelligent. L'intelligence ne se bat jamais, c'est ridicule. Elle peut se défendre, mais jamais elle n'attaque, c'est stupide. On ne rend pas quelqu'un intelligent par la force, ça ne marche pas. Ça fait 4,5 milliards d'années que ça s'amuse de même sur la planète. Première chose, miner. Ça veut dire quoi, miner? Ça veut dire qu'il y aura des écrits qui vont commencer à pulluler du Québec, des écrits qui vont néotyper le monde de la mort. Les archétypes sont les vieilles formes. Dieu, vieille forme. La paix, vieille forme. Les guerres, vieille forme. L'espoir, la vie après la vie, vieille forme. Les réincarnations unitaires, où on devrait se rappeler ce qu'on a fait, vieille forme. Toutes les problématiques planétaires. La peur des Russes, la peur des Américains, la peur de l'avenir, l'apocalypse, vieille forme. Lentement, le Québec va néotyper. L'espoir dans le monde va venir du Québec. Néotyper veut dire enseigner dans le monde de la mort de nouvelles formes. Et quand, étant donné que l'être humain se réincarne, reçoit les réincarnations 24 heures sur 24, il boit donc dans le monde de la mort. Vivant dans le monde de la mort, nécessairement, il va recevoir de l'information néotypale. Donc, lentement, il aura de nouveaux feelings. Le Québec est privilégié, c'est pourquoi l'immigration est de plus en plus grandie ici. Et le Québec n'a plus d'enfants pour la simple raison que les enfants ne doivent pas naître avant les 10 prochaines années. Il y en a quelques-uns, mais c'est normal que ça arrête. Parce que les jeunes, ceux qui sont encore capables d'en avoir, doivent cellulariser leur évolution pour la transmettre génétiquement à leurs enfants. Et plus on a des enfants âgés, plus nos enfants sont évolués à la naissance. Parce qu'on a le temps de cellulariser notre vie et c'est transmissible. Quand on a des enfants de trop de bonheur, on transmet le peu qu'on a pu cellulariser à l'adolescence. Le reste, c'est les lignées familiales telles quelles qui sont transmises. Deuxièmement, le Québec, après avoir miné, qu'est-ce qu'il fait? En minant, il va permettre de retarder les 10 prochaines années. Autrement dit, le Québec, et quand je dis 10 prochaines années, il faut s'entendre, un apocalypse planétaire majeur pourrait apparaître dans les 3 prochaines années. De toute façon, tel que prévu par la prophétie, du moment que Ronald Reagan n'est plus à la tête des États-Unis, il y a de fortes probabilités qu'une guerre nucléaire apparaisse. Pourquoi? Parce que c'est le bonhomme qui fait peur à tout le monde, mais qui est juste assez pissou pour ne rien faire de trop grave. Le prochain qui va le remplacer, il va être trop molle ou trop dur. Il peut être correct, mais ça reste à voir. Les prophéties terminent la paix après Reagan. On verra. Sauf que si le Québec mine, qu'est-ce qu'il fait? En minant, il crée des hésitations. Alors, j'expliquais dernièrement à ceux, dans une conférence spéciale, ceux qui ont fait le séminaire, que lors de la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme avait totalement refusé, la population planétaire avait refusé le nazisme sur la planète. L'humanité avait fait un choix. L'humanité avait fait le choix qu'elle ne voulait pas vivre sur un régime nazi. Et ça, c'était un futur possible. On pouvait aller là. Mais l'humanité a fait un choix et la preuve, c'est que toutes les grandes armées alliées se sont réunies sous un seul général. Et ça, dans l'histoire du monde, jamais des armées s'étaient réunies sous un seul général. Les armées se battaient, ils se réunissaient, les chefs, ils s'engueulaient, ils se séparaient, ils se battaient entre eux autres, ou encore, ils accomplissaient des résultats. Mais jamais un dirigeait tout, ce qui est arrivé lors des derniers débarquements. Se réunissant, l'Australie s'est battue, le Canada s'est battu, le monde avait refusé de vivre sur un régime nazi. Alors, on a changé. Il y avait un futur possible nôtre, il y avait un futur possible régime nazi, il y avait d'autres futurs possibles. Dans les 10 prochaines années, on arrive à un nœud majeur de l'évolution de la planète. Et encore là, l'humanité va choisir. Le problème du Québécois, c'est que le Québécois va se réveiller avant les autres. Et l'humanité va choisir pour le Québécois. Et le Québec, il aura un rôle important à jouer parce qu'à un moment donné, les humains du Québec ne voudront pas que l'humanité choisisse pour eux. Ils voudront, eux, choisir pour l'humanité. C'est normal, toute forme d'intelligence qui se réveille prédomine sur les formes d'intelligence qui dorment. Ce n'est pas mauvais, c'est intelligent que ça marche comme ça. Mieux vaut que ceux qui ont l'intelligence prennent des décisions plutôt que de laisser à une masse d'inconscients de prendre des décisions. Alors, la deuxième phase du travail du Québec va être, à part ce qu'il aura miné les sphères spirituelles, le monde de la mort, de retarder le nœud, de repousser le nœud. L'humain hésitera. Minant, l'humain ne saura pas quelle décision prendre. Il hésitera. Ceux qui travaillent pour la paix et qui font des marches de paix travaillent pour la guerre. La majorité de ceux qui prient pour la paix travaillent pour la guerre. Il y a de grandes problématiques. Et ça vibre au Québec. Ça mute. Alors, à un moment donné, le Québec va donc étirer. Et par la suite, le Québec aura le privilège de choisir pour l'humanité. Comment il choisira pour l'humanité? En instruisant l'humanité. Et à un moment donné, le monde de la mort sera suffisamment miné que l'humanité ne pourra pas choisir le choix fou qui existe. Petit détail intéressant. Il existe un avenir qui nous travaille. Alors, la seule chose que l'humain peut faire, c'est ceci. Il faut juste prendre conscience de ceci. Je n'en dis pas plus, parce que ça sera trop long et un peu trop compliqué. Lorsque un individu veut rentrer à l'université, vous voulez vous lancer en affaires. Prenons l'exemple des affaires. Alors, vous êtes assis chez vous, puis vous vous dites, bon, ben là, j'ai 10 000 piastres, je l'investis-tu ou si je ne l'investis pas? Eh bien, il se trouve que dans l'avenir, vous ne l'avez pas investi, et dans l'avenir, vous l'avez investi. Dans l'avenir où vous l'avez investi, il y a un avenir, une fourche où vous avez gagné, et il y a une fourche où vous avez perdu. Dans l'avenir où vous n'avez pas investi, il y a une fourche où, tant mieux, parce que vous auriez perdu. Il y a une fourche où, merde, j'aurais dû, parce que vous avez gagné. Ces quatre phénomènes d'avenir se réunissent ensemble, ces deux phénomènes d'avenir rentrent dans votre conscience et vous manipulent de A à Z. Ça engendre chez vous le doute, l'indécision. Alors, quand vous décidez d'investir, si vous investissez, vous allez détruire les futurs possibles qui sont reliés au fait que vous n'investissez pas. Alors, vous qui vivez déjà dans ces avenirs possibles, vous allez mourir. Et pour rester en vie, vous travaillez dans le passé. La nostalgie sert à ça, se rappeler le passé. Donc, on continue à obliger le passé à faire ce qu'il a fait pour qu'on soit là. Alors, eux autres, dans l'avenir, ils travaillent nostalgiquement. Et là, vous venez pour investir, puis là, vous avez des doutes. Ça tire par là. La journée que vous dites, tiens, je le mets, plus de doute. Non, vous venez de détruire ces avenirs-là. Ceux qui vous tiraient par en arrière n'existent plus. Alors, nécessairement, plus de doute, c'est clair. L'humanité s'en va vers des avenirs probables. Il faut comprendre que tout le passé est résorbé. Le rôle de l'homme, c'est de détruire l'univers. Bon, ceux qui viennent la première fois, poussez-vous pas tout de suite. Le rôle de l'homme, c'est d'annihiler complètement la création. C'est de retourner vers Dieu, disaient les spiritualistes. Retourner vers le centre-source, disent les ésotérismes. Retourner là d'où nous sommes venus. Exact. Mais retourner là d'où nous sommes venus, ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien, on retourne là. Il n'y aura rien après nous autres. Vu qu'il n'y aura rien après nous autres, l'univers n'aura jamais existé. Et le rôle de la conscience de l'homme, c'est de résorber tout ce qui est créé par le temps. Créé par le temps, ça veut dire que nous devons continuellement conserver dans notre mémoire le passé, qui n'existe plus en arrière, qui existe maintenant dans l'instantané présent avec nous, cette maudite mémoire. Le problème, c'est que lorsque l'être humain va être désassujetti du point de vue de sa conscience, de sa mémoire, il continuera à ramasser le passé en travaillant vers l'avenir. Il y a donc plusieurs façons de résorber le temps et nécessairement de résorber l'univers. La première chose, c'est de cumuler la mémoire, donc le passé, dans une mémoire. Pour cela, on doit le cheminer. Et c'est pourquoi on vit sur des périodes de temps absolument effarantes, des milliards d'années. Mais il y a une autre manière aussi, c'est les choix que l'humain fait. Ce choix se fait au niveau de la conscience. Du point de vue de votre âme, il n'y a pas de libre arbitre. L'âme ne choisit pas. Elle désire ça, elle fait n'importe quoi, mais ça ne fonctionne pas. Ça se passe d'une autre façon, c'est mécanique. Si l'être humain arrive dans un nœud majeur, lorsqu'il fait un choix, il y a des milliards de probabilités où nous sommes déjà tous rendus là. L'univers, le travail est accompli. Il reste pareil à résorber le temps, la mémoire du travail. Mais le travail est fini. Sauf que quel est le chemin qu'on va prendre? Cosmiquement, on s'en fout. Le résultat est accompli, la façon dont ils vont, on ne le sait pas. Tous les chemins mènent à Rome. Mais lequel vous allez prendre? Ah, ça, on ne le sait pas. Mais on sait que vous allez arriver à Rome. Le but accompli est su. Le départ est su. Le trajet, c'est bon. Le problème, il y a des chemins debout et des chemins carrossables. Quels vous allez prendre? Ah ben le chemin carrossable. Mais tout le monde s'en va dans la boîte, on va dans la boîte avec eux autres. Surtout que si c'est l'humanité qui décide, moins ils ont de la conscience, moins ils se lavent, plus ils vont dans la boue. Mais c'est ce qui arrive, on va le dans beau qu'eux autres. Il arrive ceci, il arrive que lorsque l'être humain est rendu à un nœud de jonction, il y a différents avenirs possibles. Lorsqu'il prend un chemin, il détruit nécessairement le reste, c'est-à-dire qu'il résorbe cette énergie-là chez lui. Alors, il résorbe l'univers, la création. Et lentement, il reste encore quelques nœuds majeurs à aller chercher. Le prochain nœud, C'est dans les 10 prochaines années. Et lorsque l'être humain aura choisi, eh bien, on devra de toute façon vivre du côté choisi. Et l'un des rôles fondamentaux du Québec, c'est de s'organiser pour que l'humanité ne choisisse pas pour le Québécois. J'expliquais dernièrement à ces personnes-là que moi, mon choix était déjà fait, que si l'humanité choisissait un autre choix, je cesserais immédiatement d'exister. Et je m'en fous. Mieux vaut ne pas être que d'être là où on ne veut pas être. Moi, je ne vais pas être en plein là où je veux. Or, ce sont des rôles du Québec. Quand quelqu'un qui a des responsabilités familiales meurt brusquement, continue-t-il de veiller sur les siens après sa mort? Si oui, est-ce mauvais pour lui? Exactement. J'espère bien que non. Si oui, c'est mauvais pour lui. Pourquoi? Pour la simple raison que lorsque le corps physique n'est plus capable de conserver l'âme à l'intérieur, il meurt. L'âme se détache et elle va dans le monde moronciel. Un endroit où on peut, si par exemple il y a un être contrôle qui peut s'en occuper, prendre l'âme et la réincarner immédiatement, ce qui n'arrive à peu près jamais, sauf pour le Dalai Lama et quelques... Alors, elle accumule de la souffrance inutile. Et deuxièmement, elle retarde sa réincarnation. Donc, lorsqu'un individu est mort, eh bien, on ne sait pas de communiquer avec lui par aucune technique. C'est absurde. Premièrement, on risque de rentrer en contact avec n'importe qui d'autre sauf lui. Deuxièmement, si c'est lui qui rentre en contact avec nous autres, on l'empêche de terminer ce qu'il a à faire. Alors, il reste dans un monde où il a toujours l'espoir de vivre, mais alors qu'il ne vit pas. Alors, c'est extrêmement pénible, c'est l'enfer. Et lorsque la personne gagne le monde de la mort, c'est fini là. Faire attention, par contre. Plus ça va, plus les personnes qui décèdent se réincarnent, une grande partie d'eux se réincarnent immédiatement dans ceux qu'ils ont connus, dans leur famille, entre autres. Alors, on peut avoir l'impression que la personne est toujours avec nous autres. Oui, mais c'est parce qu'on en a digéré une partie. Ce n'est pas parce qu'elle est flottante quelque part dans un plan parallèle et elle vient nous aider. C'est parce qu'on en a digéré une partie. Alors ça, c'est une autre nuance. Tu dis que fumer est pour se terrestrifier. Quel sens a terrestrifier? À quoi sert-il? Terrestrifier, c'est le terme québécois « grounded », mais c'est mieux terrestrifier. Ça veut dire que ça nous rend plus terrestre, plus planétaire. Cela veut dire que ça nous permet d'involuer un peu plus, de nous refroidir, de rabaisser notre taux vibratoire. Ça veut dire que lorsqu'à un moment donné, lorsque le cerveau travaille d'une façon un peu trop rapide pour nous, l'ego a des problèmes, l'ego commence à se promener, l'âme se met à tourner, alors on sent un stress particulier, puis quand on prend une bonne cigarette, pour ceux qui fument, c'est des bonnes cigarettes, c'est ceux qui ne fument pas, des mauvaises cigarettes, alors il prend une bonne cigarette, puis il fait... Là, il se calme, là, il se place, ça ralentit le cerveau, ça ralentit l'ego, ça terrestrifie. Étant donné qu'il baisse son taux vibratoire, il ne risque pas d'avoir accès à une conscience qui lui ferait mal, et ça le calme. Alors, étant terrestrifié, il peut donc agir plus facilement, avoir les pieds terre à terre, c'est un peu similaire, il peut agir plus efficacement à travers son monde. Alors, c'est pourquoi la grande majorité de ceux qui fument, même s'ils baissent leur taux vibratoire quelque peu, c'est préférable, parce que sinon, ils risqueraient de sauter. Mais à un moment donné, évidemment, l'humain va finir par arrêter de fumer, quand il n'aura plus besoin de fumer. Est-ce qu'il arrive un temps où il n'y a plus d'âme? Oui. Et si oui, elle est remplacée par quoi? Lorsque l'esprit, lorsque l'intelligence descend chez l'homme, il vient fractionner l'ego en morceaux. Alors, il lui amène des chocs. C'est d'ailleurs un peu le rôle du séminaire que je donne les fins de semaine, une fois par deux mois. Ça amène des nouveautés du neuf, ça néotype l'âme et ça crée de temps en temps des chocs qui viennent fractionner l'ego. Ces petites parties de l'ego peuvent se ressouder, peuvent aussi ne pas être capables de se ressouder à l'ego. Alors, ils vont lentement être dissous. Étant dissous, ils deviennent de l'énergie vitale. Et la personne qui a accepté la dissolution de certaines petites parties de son ego, qui accepte les chocs, elle gagne en énergie. Elle va finir par se sentir mieux, elle sera moins manipulable, moins influençable, elle sera plus lucide. Et nécessairement, elle devra s'adapter à cette nouvelle lucidité. Parce que cette nouvelle lucidité va lui faire voir des choses qui vont impressionner son ego. Alors, pendant un bout de temps, bien là, elle voit plus, puis elle semble qu'elle souffre un peu plus. Lentement, il va arriver que l'ego va être totalement démoli dans l'évolution de l'humain, que l'âme va carrément s'accoler dessus et qu'il va être totalement digéré. Et il va rester l'enveloppe de l'âme, le périsprit, qu'on appelle une âme pure, une âme vide. L'enveloppe du périsprit, c'est une partie du globe éthérique. Chaque fois que l'âme est dissous, il y a une expression vitale dans le plan moronciel, celui qui entre la vie et la mort, et il y a la création d'une copie conforme de la structure atomique de votre corps. Lorsque vous avez un double éthérique, si vous mourrez, c'est là que vous allez. Et vous ne mourrez plus. Vous perdez votre corps physique, mais vous, vous ne mourrez plus. Quand vous allez revenir au monde, vous allez savoir qui vous êtes. Vous n'aurez jamais été mort. À partir de ce moment donné-là, l'homme est immortel. Il a toujours été éternel. Mais là, il va être immortel. Remplacé par quoi? Remplacé lentement par le mental qui va descendre, prendre la place de l'ego et la place de l'âme. Le mental est contenu dans l'enveloppe périspritique de l'âme. Lentement, le mental va aussi être transformé en énergie vitale et seul l'esprit va rester. L'esprit, c'est de l'instantané. Et nécessairement, lorsque l'esprit habite un corps physique, le double éthérique habite le corps physique. Donc, il y aura eu un rapprochement entre le double éthérique et le corps physique. Il y aura eu une éthérification du corps physique. Et le corps physique sera donc un corps lumineux. Un corps qui pourra s'en aller, disparaître, apparaître. C'est ce qui est arrivé aux Nazaréens. C'est pourquoi le corps a disparu dans la guenille, qu'on retrouvait après avec la photographie dedans. Y a-t-il des êtres sur la planète qui ont un corps éthérique? Non. Comment court-circuiter sa pensée? Il y a bien des façons. Il y a des façons qui la court-circuitent dans l'immédiat, il y a des façons qui nous permettent de faire mieux. Première façon, l'obliger à ralentir lentement. Le penseur qui vient nous manipuler va tellement s'écœurer qu'il va finir par s'en aller. Alors, la pensée court-circuitée. Deuxième mécanisme, par l'absurde. Alors, comprendre par l'absurde, c'est qu'à force de te faire travailler, à un moment donné, c'est tellement absurde qu'on court-circuite ta pensée. Là, il reste avec l'intelligence instantanée qui est présente. Paf, tu peux comprendre. On appelle ça une illumination, et du point de vue du bouddhiste zen, c'est un koan. Et le koan sert justement à faire réveiller le disciple, paf! Alors, un koan très facile qu'on ne peut pas faire ici parce qu'on se ferait poursuivre. Quand je passe, eh bien, il y a 20 personnes qui me saluent. Et vous qui êtes nouvelles, vous ne me saluez pas. Alors, je donne une claque en pleine face, paf! C'est un koan. La semaine d'après, disons, vous êtes assez niaiseux pour venir. Vous revenez. Et puis là, tout le monde me salue, puis vous me saluez, vous, avec! Paf! Un autre clap pour tes oreilles. Alors là, vous comprenez vraiment pas. Ça, c'est un courant, ça. Là, la personne là, qui est juste assez particulièrement bizarre, mais un courant, ça s'improvise dans l'instantané en affinité avec l'individu. Donc, normalement, là, l'individu comprend que c'est pas le salut qui est important, niaiseux. Là, tu salues pour faire comme tout le monde, pour manger une claque, d'avoir une pareille. C'est pas ça qui est important. Il y a donc quelque chose d'autre, etc., etc., etc. Alors, les courants, dans le passé, ça se passait comme ça. Et puis maintenant, ça ne se pose plus parce que maintenant, il y a des lois. Bon. Une autre façon de court-circuiter sa pensée, c'est d'être vivant. Je ne sais pas, je peux pas vous expliquer cela. De temps en temps, j'ai travaillé avec des personnes. On a passé plusieurs heures à travailler certaines techniques qui font en sorte que le corps astral, l'âme au complet, finit par être expulsé carrément de notre corps. Alors là, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus rien. Sauf que vous êtes là. Alors, on entend, on est là, on est bien vivant, mais si on vous dit « parle », bien, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de pensée. Et là, vous avez un ajusteur de pensée, il reste un qui est connecté à des places par différentes techniques. Alors, il y a 4 jeux que j'ai développés. Le jeu de la mort, des techniques quand on est vivant ou mort. Le premier jeu de la vie, le deuxième jeu de la vie, puis le troisième jeu de la vie. Ça, c'est une technique, ce sont des techniques, c'est des moyens de court-circuiter, mais à jamais, de prendre totalement le contrôle, puis mais après ça, quand on travaille suffisamment, quand on pratique suffisamment ces techniques, on finit par avoir un ajusteur de pensée qu'on va fusionner. Et la fusion de l'ajusteur de pensée, c'est le début de la création du double éthérique et nécessairement de sa fusion, donc de l'immortalité. Alors, la court-circuiter la pensée, on peut le faire comme ça, la court-circuiter pendant un laps de temps. Quand c'est pour dormir, eh bien, on n'a qu'à rêver bien lentement, vous allez voir que ça va, ils vont s'écœurer puis ils vont vous lâcher. Mais vous allez rester vivant. La pensée ne permet pas la vie. La pensée, elle anime, elle occupe. Dans un couple, l'un est-il le miroir de l'autre? Sinon, à quoi sert-il? Si, dans un couple, l'un est le miroir de l'autre, à quoi sert-il? Je prends un miroir, puis je le mets devant un miroir. Là, c'est un miroir de l'autre. Mes deux miroirs ne servent plus à rien. Si je me place entre les deux, bien là, il y en a un qui ne voit plus l'autre. Mais là, il sert à quelque chose. Puis ici, il doit voir l'autre, je monte. Là, il y a deux miroirs. Mais c'est, hein? Si on a tous nos miroirs, il faudrait qu'on les place devant un autre. Ça ne servirait plus à rien. Alors, l'autre n'est pas le miroir de ce que nous sommes, mais il sert à bien des choses. Premièrement, il sert à nous enclumer. C'est une enclume. Ça nous retarde un peu dans l'évolution. Ça nous permet de ne pas trop se péter la tête sur les plafonds quand on grimpe trop vite. Autre chose, il permet de payer du karma. Troisièmement, il est surtout engendré par l'évolution de l'animal humain. Alors, ceux qui ont fait les séminaires vont les comprendre. Quand on vit en couple, on sécrète énormément d'hormones et ça mute le corps physique. Et c'est l'évolution de l'animal humain. Alors, le couple sert surtout, bon, le couple ne sert pas à la reproduction. On n'a pas besoin d'avoir un contrat de séparation de biens pour avoir des enfants. Bon, ça, ça s'est prouvé, il y a bien des pays qui n'ont pas ça, puis ont des enfants pareils. Bon, alors, le mariage, ou enfin, le fait de vivre en couple, ça sert surtout et exclusivement l'âme. Ça sécurise l'âme parce que le bonhomme recherche sa mère, la fille recherche son père, sécurise l'âme. Deuxièmement, étant donné qu'ils ont toujours vu le couple, l'homme et la femme ensemble, leur père et leur mère, eh bien, ils ont expérimenté ça, puis là, finalement, rendus adultes, bien, ils veulent prendre la copie conforme. Les parents, voulant se réincarner dans la vie de leurs enfants, ont passé toute l'éducation des enfants à bien dire aux enfants de ne pas changer le monde. Et puis, finalement, les enfants font tout comme les parents, puis les parents, bien, là, sont grands-parents, puis sont contents, puis les enfants sont corrects, puis sont comme eux autres. C'est comme eux autres ont été. Alors, nécessairement, là, tout est beau, sécurise. Et en plus, c'est évident qu'un homme et une femme ne peuvent pas s'entendre. Ça s'est prouvé depuis assez longtemps. On en a suffisamment de papiers. Il y a même des avocats qui ne vivent que de ça. Il y en a qui vivent longtemps ensemble. Faites attention. Si vous me dites, oui, mais moi, j'en connais un sur 20 millions qui vivent ensemble depuis 50 ans, puis ils s'aiment toujours, puis ils s'entendent bien. C'est pas un homme et une femme ceux qui vivent ensemble. C'est deux individus. Pas pareil. Les sexes n'ont rien à voir. Deux gars peuvent vivre ensemble tout le temps, sans faire de relations sexuelles, là. Je parle pas de deux homos. Ça dérange pas, mais j'en parle pas. Mais deux gars peuvent vivre ensemble tout le temps sans problème, un homme et une femme aussi, mais ça n'a rien à voir avec les sexes. Mais l'homme et la femme, s'ils veulent vivre en homme et en femme, nécessairement, ils sont faits pour sécréter. Sécréter des hormones. Se chicaner, être heureux, se pitouner, s'ennuyer, être jaloux, tout ça. Là, c'est fait pour sécréter des hormones. Étant donné qu'il y a plein d'émotions, le cœur pompe, le cœur arrête, tu transpires, tu es inquiet, tu es jaloux, tu es en colère, tu sécrètes des hormones. On a fait une conférence expliquant la mutation de l'homme par la sécrétion hormonale, tant que ça dressait l'évolution de l'animal humain. Une grande partie de ce qui constitue l'homme. Et nécessairement, la grande partie du couple sert à ça. Il n'y a personne sur la planète présentement, ou presque, qui vive une vie de couple par intelligence de la vie. Ils la vivent tous par émotion. Et par la suite, ils ne peuvent plus se séparer, même si ça ne va pas. Ils font des compromis. Et je l'ai toujours dit, les compromis sont des promesses de con. Lorsqu'une personne vit qu'elle doit faire des compromis, cela veut dire qu'elle doit accepter de mourir un peu pour nourrir l'autre. Alors moi, je vais faire des compromis, mais toi aussi, il faut que tu en fasses. Fait que les jeudis, j'aimais sortir, mais je sors plus. Tu sais, je perds ma vie, je meurs, je reste avec toi, t'aimes ça. Par contre, les mardis, c'est toi qui viens. Tu meurs, tu viens, tu me suis. Mais quand on était tout seul, on n'a pas besoin de mourir personne. Alors, les promesses de con, c'est ça. Et ça, c'est sur la planète Terre, présentement, un immense, immense, immense, immense problème. La tradition du couple. Quand on a des enfants, on reste pour l'enfant et on s'occupe de l'enfant. C'est même pas nécessaire de rester dans le même lit ou dans la même chambre. Même pas dans la même maison. Mais encore là, le Québécois est suffisamment... les gens appellent ça déglinguer, mais il y a énormément de personnes qui commencent à comprendre qu'on peut arriver à vivre... on vit plus longtemps ensemble si on ne se marie pas. Et à un moment donné, il y aura des gens qui vont comprendre. Présentement, ce n'est pas le cas. Psychologiquement, l'archétype est encore tellement puissant que les personnes qui vivent en couple ont un grand, grand, grand problème à comprendre que le couple est inutile aujourd'hui. Je parle de l'accouplement psychologique, émotif, par manque de sevrage émotif à l'adolescence. Mais encore une fois, à un moment donné, ça va changer. Présentement, le couple, c'est pas, on ne sort pas avec quelqu'un pour en avoir un miroir. On a un qui allait faire d'équitation, on en avoir un miroir, puis quand on veut s'en aller, on s'en va, il chiole pas. Il rentre à l'écurie, puis s'en va manger. C'est plus simple. Alors, quand on vit en couple, c'est parce qu'il y a un paquet de raisons astrales collectivisantes qui nous font faire ce que nos ancêtres ont toujours fait. Les gars courent après les filles font semblant de se pousser, et puis après ça, bien là, ils restent ensemble. Ils ont des enfants. Ils partagent les biens, et puis à un moment donné, ben, ils partagent aussi. Parce que comme j'ai déjà expliqué, on se marie pour le pire et pour le mieux, mais en réalité, on se marie toujours pour le pire. Pour le mieux, on n'a pas besoin de contrat. C'est pour le pire qu'on a besoin de contrat, et on signe des contrats pour le pire. C'est très prévu, c'est évident que lorsqu'un homme et une femme vont devoir partager le même logement, même deux gars, ça va être un problème. Deux femmes, c'est un problème, un homme et une femme, c'est encore bien pire. Or, le couple, ça sert à faire évoluer l'homme et la femme. Très intéressant. Puis, en résultat secondaire, ça sert à faire des enfants. Tu as dit que l'ego est une copie de Dieu. Voudrais-tu expliquer? Bon. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est quelque chose qui demande à l'homme de le prier. Dieu, c'est quelque chose qui donne des lois à l'homme et dit à l'homme, cette tradition, refaites-la à jamais. Dieu, c'est quelque chose qui parle à l'homme par le biais d'un prêtre et qui a besoin de grandes cérémonies et qui, de temps en temps, fait un petit miracle. Le prisonnier là, qui est atteint du sida, il guérit. Puis le bon gars qui est atteint du sida, il meurt. Il fait un miracle, il en guérit un. Et puis, de temps en temps, il fait une apparition bizarre, plus ou moins réussie, comme à Fatima. Il y a un moment donné que le cœur est à l'extérieur du corps. Ça manquait le coup un peu. Troisième shot, c'est revenu correct. Bon. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi devons-nous prier dans des grandes cérémonies? Parce que ça nourrit Dieu en énergie. Pourquoi la tradition, c'est l'habitude divine? Si on refait toujours les mêmes choses, c'est sécurisant pour Dieu. Alors, on est encarcané et maintenant on fait les choses comme on doit les faire. C'est l'habitude. Et tellement habituel que la majorité des gens qui vont à la messe, quelle que soit la religion et qui prient, passent le temps. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils répètent, ils ne prononcent rien. Et nécessairement, c'est donc une habitude. Leur conscience n'a même pas besoin d'être là. Ils vont, ils marchent. Quand ils ont appris du point de vue de l'ego tout ce qu'ils devaient faire, ben là, ils sortent et continuent à revivre la même Christie de vie. Ils vont se confesser, ce qui est absolument génial, ça les déculpabilise. Puis quand ils ressortent, ben, ils recommencent encore et ils confessent au bout de la ligne. Bon. Alors, c'est simplement ceci, c'est que Dieu, c'est l'ego d'un égrégore. L'égrégore, c'est le paramètre d'une religion, donc d'une partie du monde de la mort. Et les dieux ne sont pas apparus du premier temps. Les dieux sont apparus très à la longue, après le culte des ancêtres. Lentement, il y a eu le culte du monde de la mort. Finalement, bien, à force de répéter les mêmes choses, on a engendré une mécanicité. Notre père, celui qui est notre père génétique, qui est mort là, 300 ans, bien, on a un contact avec. Et puis lentement, à force de répéter les mêmes traditions, c'est-à-dire d'adorer les choses de nos ancêtres, bien, finalement, on ramasse. Et puis lentement, l'égrégore devient suffisamment égoïsé que là, il y a une puissance qui apparaît, une puissance qui découvre qu'elle vit. Découvrant qu'elle vit, elle veut vivre. Voulant vivre, elle se rend compte que les alimentaires sont les hommes. Alors, elle donne des lois, elle manipule, et elle dit, « Je vous aime! Si tu viens faire ça, ben, tu n'iras pas à l'enfer! Je vous aime! » Ben, c'est ça, c'est très intéressant. Si tu m'aimerais, il n'y aura pas d'enfer. En tout cas, il n'y a rien à faire avec ça. C'est comme ça que les dieux ont fonctionné, comme l'homme fonctionnait. Alors, les dieux sont... L'ego est une copie de Dieu. Dieu est une copie de l'ego de l'homme. Les deux sont constitués en même temps, le ciel et la terre en même temps. Dieu dans le ciel, créé par l'homme, à son image et à sa ressemblance. Alors, ce sont des choses qui, à un moment donné, il faudra finir par comprendre pour accepter, parce que tant que l'être humain se met à quatre pattes... Dernièrement, je faisais un séminaire sur les clés de la prière. Et ce soir, il y a des personnes qui sont venues me voir pour me poser trois ou quatre questions, et le séminaire, ça fait une semaine, et ils me disent que déjà, ils ont plein de maudits bons résultats. Bien, je leur explique, c'est évident, ça marche. Mais il faut faire ce que j'ai dit de faire, c'est-à-dire payer le tribut au Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui donne ou qui prête si on n'y remet pas un petit peu plus. Et c'est évident que ça marche. La nuance, au lieu de prier, puis donner ton énergie, tu pries, puis tu prends de l'énergie. Les dieux servent à cela. Ce sont des réservoirs tampons placés dans le ciel, où l'être humain met son énergie plutôt que de la placer dans la matière, parce qu'un jour, il y aura des humains suffisamment debout qui seront capables de prendre de l'énergie dans le monde de la mort, dans le ciel, et ils pourront s'en servir sur la terre. Qu'est-ce qui a créé le ciel et la terre? Ce n'est pas les dieux que l'homme prie. C'est de l'intelligence. Et vous en êtes une partie. Et l'intelligence ne se prie pas elle-même. L'intelligence ne quémande pas. Tout ce que vous avez besoin du point de vue de l'intelligence, vous l'avez déjà. Ce qu'on demande à un Dieu, c'est ce qu'on n'a pas, parce qu'il est trop niaiseux pour le voir. Puis quand le Dieu ne nous donne pas suffisamment ce qu'on veut, bien, on va dans une autre religion. On change, on magasine. Ce qui a engendré le ciel et la terre, donc tout le phénomène des divinités célestes, ainsi que l'homme, c'est quelque chose qui ne se prie pas, mais qui de temps en temps entre en contact avec l'homme, et quand ça rentre en contact avec l'homme, ça devient l'homme. Et l'homme devient ça. Alors l'homme reste ce qu'il est. Il n'est pas manipulé. La panne générale d'électricité au Québec peut-elle être considérée comme un karma collectif? C'est absolument évident, évident. Bon, bien, c'est des grosses questions, on va les lire. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas aller danser, écouter de la musique pour me distraire, ou dois-je en être conscient? Ça veut dire qu'une personne qui se conscientise, de toute façon, ne va pas danser dans un paquet de musique extrêmement bruyant, où elle ne s'entend même plus, puis où elle détruit son corps physique. C'est évident. Alors, c'est pas un culte, hein? C'est comme la personne, ça veut dire qu'il ne faut plus que je boive, c'est ça. Tu peux aller boire pareil, là. C'est évident, bon. Mais ça veut dire que c'est ça. Alors, la personne qui va danser dans des discothèques ou qui va danser pour se distraire ou lorsqu'elle danse, elle oublie un paquet de choses, si elle a le choix entre le suicide ou la danse, c'est mieux qu'elle ait dansé. Mais la personne qui, à un moment donné, veut se prendre en main, même dans, si elle va danser consciemment, c'est correct. Elle ne dansera pas longtemps, elle va sortir de là vite. Mais si elle danse consciemment, parce que là, le moindre moment que la musique atteint une certaine forme de décibel, qui vient tout te massacrer le tympan, les osselets, la partie neuronique du cerveau qui décode le langage auditif, qui commence, lui, à s'altérer. Il y a tellement de sécrétions d'endorphines pour empêcher le contact qui fait mal, que lentement, on devient sourd mentalement, si ce n'est pas auriculairement. Et nécessairement, ça débalance le système d'équilibre du corps. Ça a un paquet de phénomènes. L'énergie vibratoire des ondes magane énormément le corps physique aussi. Ben, l'individu qui veut danser consciemment ne peut pas danser consciemment. De toute façon, tout ce que vous faites, faites-le. Je ne vous dis pas quoi faire, pourquoi pas faire. Faites-le consciemment. Vous allez éliminer tout ce qui vous nuit. Pas besoin de vous le dire. Faites-le, essayez-le. Mais la personne qui va danser, elle rentre, c'est conscient. Là, je danse consciemment, mais c'est plate en sacrableu. Mais c'est sûr que c'est plate en sacrableu. C'est l'âme qui veut danser, pas ta conscience. Ta conscience est là, envoie ton corps, tchik tchik tchik tchik tchik sur un rythme qui ne t'appartient même pas. C'est un rythme artificiel qui est collectif et qui ne t'appartient pas. Ta conscience est là, puis regarde ça. Qu'est-ce qu'elle fait? On va te dire, dors ou sors. C'est évident. La personne, je veux boire, moi, je me saoule la gueule consciemment. Consciemment. Consciemment. Je me saoule la gueule consciemment. Ça va être bien dur. Puis quand tu as commencé à te saouler, tu ne seras plus consciemment. Je vais être inconsciemment. Vous faites ce que vous voulez. L'homme doit devenir son seul maître. Vous avez une conscience. La conscience, elle vous dit tout. Vous savez tous ce que vous devez faire. Le problème, c'est qu'on est tellement en distraction puis omnibulé qu'on ne le sait plus. On ne veut pas le savoir. C'est simple. Faites tout ce que vous voulez consciemment. Puis vous verrez que même faire l'amour consciemment, vous allez vous dire, tabarnouche, je dois avoir un enfant, ça me plairait. Mais juste de même, maudit, je me sens niaiseux. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez le faire consciemment, il y a bien des choses qui vont tomber. Sauf que la seule chose qui va rester. Rien dedans, là. Faites comme moi, là, c'est mieux. Donc, il y a bien des choses qui vont tomber. Pas? Il y a une seule chose qui va rester debout, c'est de vous autres. Nécessairement, vous allez devoir découvrir un homme nouveau, une femme nouvelle. Quelqu'un qui, pour agir, a besoin de raison intelligente, conscience. Je m'en vais faire mon épicerie, puis là, tu veux, maudit, il y en a encore plus. Si t'es conscient, t'as trouvé, La vie, t'as pas de temps, perdre à chialer. Si t'es conscient, c'est réglé. Par contre, tu vas te ramasser bien souvent assis, puis à dire, tiens, j'ai 6 heures à rien faire. Parce que celui qui est conscient et qui en trouve du temps. Jamais, jamais, jamais à la course. Mais là, il va dire, maintenant que j'ai 6 heures à rien faire, je fais quoi avec ma conscience? Bien, c'est ça. Là, il va commencer à s'inventer des techniques. Ou il va commencer à lire, à faire des choses qui vont lui être utiles. Il y a un problème de santé, il va commencer à s'informer, il va commencer à surveiller ça. Il y a un problème physique, il va commencer à le régler. Il y a un problème au niveau de la conscience, il va travailler. Ça fait longtemps qu'il va faire du yoga, tiens, il va commencer à en faire. Ça rajeunit le corps, puis ça replace les articulations. Ça faisait longtemps qu'il voulait aller respirer. Il va aller sortir sur le Mont-Royal, c'est déjà moins pire. Au moins, il est en haut de la pollution. Il va aller en campagne. Il va commencer à faire quelque chose. Il y aura un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, exactement comme les personnes qui finissent par expulser leur âme puis qui n'ont plus rien à dire. Il y a un chat de pensée, pas plugué. Il y a un temps d'adaptation où il y a un vide. À un moment donné, paf, ça commence. La personne qui veut faire ces choses consciemment, il y a bien des choses qu'elle va bannir. À un moment donné, elle va être là, puis là, je suis conscient, puis niaiseux en tabouette. Je fais quoi? Ben, c'est ça. Il va y avoir un temps comme ça. Là, tu vas marcher consciemment, puis tu vas trouver que c'est tough d'être conscient. Et puis, à un moment donné, clic, il y a des choses qui vont commencer à sortir. Vous allez voir que la conscience, ça va commencer à vous occuper bien mieux que ce que vous faisiez avant. Parce que l'occupation va être conscient, énergisant, formateur, mutateur, Puis il va en masse vous animer. Mais qui va vous animer? Que l'ego ne payera pas d'avoir fait ça. Il ne sait pas l'ego, il ne l'a pas expérimenté. Mais après ça, il va être content d'être dans un corps qui est contrôlé par une conscience. C'est bien mieux que lui. Mais il y aura la phase d'adaptation. Alors faites n'importe quoi que vous faisiez. Faites-le consciemment. Quand les personnes allument leur petit papier enroulé après du foin, bon, ils mettent ça dans leur bouche, puis là, ils allument leur briquet. Faites ça consciemment, et puis vous allez vous aider. Parce que la personne qui doit arrêter de fumer, elle va arrêter sans souffrance. À un moment donné, elle va rire. Et puis finalement, ben, si elle a arrêté, ça va arrêter. Sinon, on va trouver ça niaiseux, puis elle va trouver que ça lui fait du bien encore. Si elle est inconsciente, elle va savoir qu'elle doit continuer à fumer. Consciemment, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez manger. Consciemment, vous allez savoir quand vous devez vous coucher. Là, il est minuit et demi devant la télévision, puis c'est un film de sexe à 4 saisons. Bon, on écoute ça. Puis là, tu es là, consciemment, tu écoutes ça. Mais consciemment, tu vas le dire, fatigué en tabarnouche, je vais me coucher. Consciemment, tu vas dire, là, j'ai les yeux qui sont tous pognés dans la graisse de bine. Mais consciemment, tu ne pourras pas continuer à écouter ça longtemps. 4 saisons ne fera pas faillite, il va mettre d'autres programmations. Puis quand on est conscient et manipulé, bien, on l'enregistre sur vidéo pour se coucher. C'est curieux. Lorsque je me pose la question pourquoi je veux vivre, me conscientiser, ne pas perdre mon temps, etc., je retrouve infailliblement la même réponse. C'est pour servir mon existence anonyme. Bien, cette réponse-là, il faudrait commencer immédiatement à essayer de la mettre aux poubelles un petit peu. C'est une réponse hyper manipulée. Pour servir mon existence anonyme. Et l'existence d'aucun être humain est anonyme. Lui, c'est pas ce qu'il fait parce qu'il s'attache au passé. La réponse est dans l'avenir, pas dans les vieux livres que vous avez lus. Nourrir mon âme selon votre terminologie. D'après ce raisonnement, l'âme doit être supérieure à l'esprit parce qu'elle se fait servir par lui. L'esprit ne sert pas l'âme. L'âme s'en sert. L'âme se sert de l'esprit de quelle façon? Simplement parce que l'esprit est totalement libre. La seule place où l'esprit est manipulé, c'est dans le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui contrôle le corps de l'homme. L'âme ne contrôle pas l'esprit, elle contrôle le corps. Étant donné que l'esprit dans l'homme ne s'exprime que par le corps, étant donné que le grand maître à bord est l'âme, la mémoire, le désir, l'émotion, le passé, les peurs, les craintes, les angoisses, les espoirs et tout ça, l'esprit ne peut pas arriver à s'exprimer. Étant donné que l'esprit est hautement supérieur, l'esprit est éternel, il est hors du temps. Alors il attend. On s'en fout, 3 ou 4 milliards d'années de plus, c'est pas ça qui va déranger grand-chose. Pour l'âme, c'est un problème. Et l'âme, elle continue à souffrir. Si l'âme est supérieure, c'est l'âme qui souffre. L'âme n'est pas supérieure à l'esprit. L'esprit est extraterrestre. L'âme est typiquement, expérientiellement terrestre. Alors, lorsque l'être humain nourrit son âme, il nourrit son ego. Il nourrit ses mémoires expérientielles. Il nourrit sa souffrance. Il nourrit sa joie. Oh, ben, ça fait 10 ans que je suis joyeux. Oh, oui, fais-en pas. 10 ans de joie, 10 ans de malheur, ça, ouais, ça va venir. Laisse-toi le temps. Ça va venir. L'esprit est au-delà de cela. Pendant des milliers d'années, l'homme a vénéré l'âme parce que l'âme était vénérable. Aujourd'hui, l'âme est l'ennemi juré de celui qui se conscientise parce qu'il prend la place de l'esprit, parce qu'il se croit à l'esprit. Chaque fois qu'une idée intelligente apparaît chez vous, vous dites quoi? « Hey, je viens d'avoir une idée! » C'est même pas vous qui l'avez eu l'idée. Vous l'avez ramassée, expérimentée, et là, l'ego est tout content. Alors, si on est 15 personnes dans une salle, c'est vous le même qui sort l'idée, tout le monde est jaloux. Pourquoi? Il y a une idée qui se promène, lui, elle respire, puis elle sort. Puis il ne peut pas arriver à la sortir si on n'est pas tous là pour jaser avec lui. C'est lui qui va l'amener. De temps en temps, moi, je parle avec des gens, je leur dis, non, jaser, tout ce que vous dites, je ne le ferai pas, mais ça va me faire, ça va pas trouver ce que je veux faire. C'est quand il va. Là, tu devrais faire ça, ah non, c'est pas bon, ah non, c'est pas bon, puis finalement, bon, ok, c'est correct, j'ai trouvé les gars, fini. Fait, ça s'en va. Mais nécessairement, il faut des gens pour ne pas frustrer, parce qu'ils se disent, ouais, mais crime, pourquoi il nous fait venir, on ne sert à rien. Pas vos idées que je veux, c'est l'idée. Qu'elle vienne de n'importe où, je m'en balance. Plus souvent qu'autrement, elle sort par moi. Correct. Quand elle sort par un autre, je suis là, en mot, t'as dit, je m'en rends compte, l'idée, je la ramasse. Puis on l'applique. Alors, l'âme, non, absolument pas. L'âme, c'est une vraie farce. Cela me fait penser à l'idolâtrie du salut au chapitre dans la doctrine suprême d'Hubert Benoît. Est-ce juste? Non plus. Ce qu'il faut bien comprendre, l'âme a essayé de descendre tout ce qui existe dans l'univers en dessous d'elle. Elle a commencé par dire la Terre est plate. C'est vrai qu'elle était plate à l'époque. Bon, mais plate psychologiquement. C'est lamentablement plate. Alors, lorsque l'homme a décidé que la Terre était plate, la Terre était aussi le centre de l'univers. Eh oui, c'est évident. C'est l'homme. On est important, maudit. Tout a été créé, rien que pour nous autres. Et des étoiles pour faire semblant de nous éclairer la nuit. Bon. À quoi ça sert, les étoiles? Bon, on s'accroche dans le firmament, hein, puis c'est beau. La journée que les étoiles vont tomber sur la Terre, ben, ce sera simplement les lumières des rues ici. Lorsque l'être humain finit par penser que Dieu a tout créé pour lui, il est le centre, il est la créature unique de Dieu. Les animaux? Ben, les animaux. Puis on regarde la Bible. Le peuple élu, le seul, les deux seuls survivants à sa planète. Ben, ils chicanent, puis il y en a un qui s'en va rejoindre le peuple des montagnes. Ben, c'était plein d'autres formes, d'abord. C'était pas tout seul. L'ego de l'homme, l'homme a toujours tout voulu ramener. Tout en dessous. Puis tout ce que l'homme n'a pas réussi à ramener en dessous, elle l'a hiérarchiquement placé en haut. Les extraterrestres, t'arrives pas à les voir comme il faut? Ben, peut-être que c'est des dieux. Peut-être que c'est ceci ou cela. Ils passent leur temps à piquer des vaches aux États-Unis. Après ça, ils enlèvent des enfants. Ils enlèvent des femmes, puis ils les mettent enceintes. Ils enlèvent des bonhommes, ils les étudient. C'est des dieux. Et oui, c'est des dieux. On ressemble à des Incas, nous autres. On est des Modadibo Incas. On devrait se féliciter. On devrait tous se casser le nez. On aurait l'air de vrais Incas. Bon. Quand les Incas ont reçu les Espagnols, ils attendaient les dieux blancs qui devaient mener sur des animaux bizarres. Des chevaux, même, qui sont venus au monde en Amérique. Les Incas n'avaient jamais vu. Quand les conquistadors blancs sont sortis à cheval, les dieux arrivaient. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait des Incas? Ils leur ont tout donné. Faites-vous-en pas, les dieux ont tout pris. Comme les dieux prennent toujours tout. Et puis, il y a même un paquet de galions remplis d'or qui coulaient, qui étaient trop pleins d'or. Ils en voulaient, les dieux. Les dieux ont massacré tout le monde. Ils ont fait des pactes. Ils ont dit à tout le monde, « Mais si vous faites ceci, c'est bien beau. » Les Incas l'ont fait. Ils ont passé au cash. Dieu les a bénis. C'est très intéressant. C'est la même chose pour les extraterrestres, la même chose pour tout ce que l'être humain n'arrive pas à écraser. Il le place en haut. Jamais il le place égal à lui. L'extraterrestre, est-ce que c'est comme un humain? Ben non, hein, ils ont une technologie tellement extraordinaire. Quand on va voir des MiG arriver sur nous autres, des avions de chasse soviétiques, on va dire, tabarnouche, c'est bien mieux que Malada, ça. C'est des dieux. C'est ça. Moi, je m'envoie sur la Lune, puis je vois un module lunaire atterrir. C'est des dieux, des Américains. Ils se violent, ils se tuent, ils se droguent aux États-Unis. C'est des Américains. C'est des dieux. Ils sont évolués. Faites bien attention à bien des choses. Quand on parle de l'âme, c'est la même chose. L'esprit n'étant pas contrôlable, ou bien il devient hiérarchique, ou bien il n'existe plus, ou bien